Chapitre 29. L'état de disciple et le cortex préfrontal. Dans ce chapitre, je ne vais pas parler encore de la suite avec d'anciens disciples du maître Amram, puisque je n'ai pas eu encore de réponse. Il me faudra certainement me déplacer et voir la suite des événements. Pour le moment, je voudrais parler de l'état de l'être humain en général et de son évolution, de façon à pouvoir vous aider à comprendre l'ensemble de ces choses-là, les clés d'évolution. L'être humain qui est complètement contrôlé par le système arrive à un niveau très très bas dans l'humanité. Je les appelle les babouins. The Walking Dead. Donc il y a The Walking Dead, c'est les zombies qui marchent, et une série qui passe de temps en temps, je suppose, à la télévision française. Et moi, je les appelle The Working Dead, c'est-à-dire les travailleurs morts, en faisant un jeu de mots avec Walking Dead and Working Dead. Ils sont aussi maintenant complètement contrôlés par le système Google, comme j'ai déjà expliqué dans mon dernier chapitre. C'est-à-dire, il faut être très positif, je ne suis personne pour décider, je ne suis personne pour savoir, tout est gris, rien n'est blanc, rien n'est noir, qui suis-je pour savoir, qui suis-je pour décider, qui suis-je pour juger, comment pourrais-je, bla bla bla bla bla. Tout ce que vous faites, c'est merveilleux, et surtout, par-dessus tout, mélanger toute intuition avec un fait, de façon à ce que l'intuition ou l'opinion de quelqu'un devienne un fait cosmique inébranlable que l'on doit absolument respecter chez autrui, parce qu'en fait Internet vous traite comme ceci. Donc vous vivez de plus en plus, bon, j'espère pas vous qui m'écoutez, mais la plupart des gens, dans un contexte préfabriqué de non-confrontation d'idées, de non-opposition, d'inexistence totale, de... Voilà. J'ai un ami, comme je le disais, je pense, dans le dernier chapitre, qui dit « Heil Google, Heil Google ». Et vous avez ce contrôle total, déjà qui existait avant à travers la société, le travail et les devoirs de société, mais aujourd'hui en plus à travers le téléphone portable ou la tablette sur lesquels les gens sont dessus toute la journée. Et ne croyez pas qu'en étant totalement branché sur un instrument ou sur un livre toute la journée, comme un fanatique de la Bible ou un fanatique du Coran ou un fanatique du téléphone, que cela ne va pas changer votre perception du monde. Bien sûr que oui. Évidemment que oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains d'entre vous, vous commencez à voir les yeux carrés. Bon, pas encore, mais ça va venir très bientôt. Puis... au-delà de cet aspect, vous vous posez des questions, pour certains. Vous commencez à vous dire, quand même, il y a des trucs, ça colle pas, c'est pas logique, je suis en doute. Et quand vous commencez à penser comme ceci, vous devenez dans ce que moi je classe les humains. Et les humains, déjà, il n'y en a pas beaucoup, hein, parmi les babouins, parmi les Google disciples, parmi les Walking Dead, il n'y en a pas beaucoup des humains. C'est-à-dire des humains qui font encore partie du système, qui vont travailler, mais quand même, ils vont être là, ils vont se dire quand même, il y a des trucs qui ne collent pas, ça, ce n'est pas du tout logique, ça, je ne veux pas faire, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans un système où les gens se posent des questions. Puis en se posant des questions... Ils ont envie de trouver des réponses. Alors, on dit qu'ils sont des élèves. Non pas parce qu'ils sont les élèves de quelqu'un, mais parce qu'ils cherchent à s'élever de la situation humaine. Peut-être changent-ils de travail et cherchent-ils à avoir un travail plus... moins stressant qui leur permet d'avancer. Peut-être cherche-t-il à avoir une meilleure vie de famille, à déménager à la campagne. Enfin, voilà, il cherche à prendre une certaine distance de la masse humaine et encore plus loin des babouins. Donc, il s'élève. Ce sont des élèves. Mais l'élève va assimiler de nouvelles connaissances, hein, puisqu'il sort de cet état qu'il rejette. Et en assimilant de nouvelles connaissances, il faut comprendre qu'il va utiliser son cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie qui travaille le plus dans le cerveau quand vous grandissez et qui continue à être en expansion jusqu'à l'âge de 30 ans et qui réagit le plus rapidement. C'est là où vous avez les cellules gliales, toute la réaction neurologique qui va réagir très très très fort sur toute forme de nouvelle information. Et ce cortex préfrontal, vous ne pouvez être en action, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres chapitres, qu'en état d'extension, en état de dilatation. Et puis, en état de stress, vous êtes dans un état de contraction de votre champ neurologique et vous n'avez plus accès à ce cortex préfrontal, vous n'avez plus accès qu'au programme de survie, les routines de base du système de votre cerveau qui vous a permis de survivre. Mais comme vous avez appris à survivre dans une société soumise, en travaillant, en étant un bon élève, mais à l'école cette fois-ci, en étant un bon citoyen, ainsi de suite, dès que vous allez stresser, vous allez revenir non plus à ce que vous commencez à être en tant qu'élève, mais en tant que bon citoyen. D'où le fait que vous allez lire par exemple des livres et vous allez trouver le livre. Bien, je suis avec un chien. Vous allez trouver le livre très intéressant, très motivant. Vous avez décidé de vivre comme dans le livre. Et puis dès que vous rencontrez un copain, une copine, vous faites le contraire. Trax, viens là, le chien. C'est nerveux parce que son papa est parti faire des courses. Alors, oh là là, il est très triste. T'es mignon. Oh, t'es mignon. T'es mignon. Et le fait que vous soyez élève vous amène à être très instable. Très instable parce que vous allez découvrir des choses qui vont vous passionner, mais ensuite, ces choses-là, quand vous allez vouloir les appliquer, bah, très souvent, ça n'a pas marché. Ça va pas marcher parce que vous oubliez. Parce que vous décidez de faire ça, mais vous faites le contraire. Parce que vous décidez de vous lever à 9 h du matin ou à 8 h du matin pour faire une méditation au matin ou même plus tôt pour aller faire un lever de soleil. Puis finalement, vous restez dans votre lit. Parce que vous devez comprendre que toute forme de stress, comme Drax maintenant, toute forme de stress vous ramène automatiquement dans un champ de conscience restreint qui vous interdit l'accès au cortex préfrontal. Quand est-ce que vous allez stresser? Vous allez stresser à chaque fois que vous n'êtes plus dilaté. C'est simple à dire, mais c'est évident. À chaque fois que vous n'êtes plus heureux, à chaque fois que vous n'êtes plus excité par les choses que vous allez faire, vous retombez dans un champ de conscience restreint. Quand vous êtes dans la normalité des choses, que vous n'êtes pas excité par les choses que vous faites, parce qu'elles sont nouvelles, eh bien, vous allez tomber dans un champ de conscience restreint, c'est-à-dire dans tout le système de survie qui vous a permis de survivre dans cette vie. Mais cette survie a été médiocre. Cette survie, c'est ce que vous avez voulu quitter. En quittant l'état de babouin ou l'état d'humain et en devenant un élève. Donc vous êtes deux personnes. Et une chose qui est très importante, c'est que le cortex préfrontal va être stimulé très grandement par deux choses, deux ou trois choses. Une des premières choses, c'est le sport. Le sport, tout simplement. Et je parle plus des sports où vous êtes obligé de réfléchir un petit peu. Bon, moi je fais référence au tai chi, aux arts martiaux, parce que toutes ces pratiques-là vous obligent à être très coordonnées, très conscientes, et à suivre complètement aussi le mouvement de l'autre. Donc avec partenaire, ça vous oblige à une très grande concentration. On pourrait imaginer que le tennis fasse partie de choses comme ça, par exemple, même si j'aime pas le tennis parce qu'il est déséquilibré sur un seul bras. Mais autrement, le contexte de calculer une forme, une espèce de forme de combat, ça peut aussi très bien marcher. Ça va énormément stimuler le cortex préfrontal. Et puis aussi, dans le même cadre, et c'est absolument logique, le cortex préfrontal va se développer énormément, se stimuler énormément dans les confrontations. Or, notre Dieu Google interdit aujourd'hui les confrontations. Ah, mais qui suis-je pour juger? Je ne sais pas, tout est gris. Ah oui, mais moi, je trouve ça formidable que tu penses ça, parce que les gens qui sont en harmonie avec ce qu'ils pensent, ils sont merveilleux, ils sont fantastiques. Voilà, donc je... Ah non, non, mais tu fais ça, oui, c'est bien, oui, c'est fantastique, c'est merveilleux. Donc, toute forme de confrontation est interdite. Hein, l'éducation d'ordinateur, l'éducation de société, mais encore plus aujourd'hui, l'éducation d'ordinateur et de tablette, et de téléphone, interdit la confrontation, formellement. D'ailleurs, votre téléphone ne sera jamais en confrontation avec vous, c'est clair. Et le sport, eh bien, le sport, il est de plus en plus interdit. J'ai déjà expliqué avoir été dans un stage, enfin avoir vu de l'extérieur, un stage auquel je participais énormément dans le passé, dans les arts martiaux. Et c'était fait avec un maître, on était environ 150, peut-être même 200 personnes pour certains stages. Et il y a peu de temps, enfin non, il y a 10 ans à peu près, je suis passé voir le même stage avec un autre maître, parce que le vieux maître était décédé, donc maintenant il y a un nouveau maître, mais c'est un maître qui correspond au même niveau, hein, donc c'est... Et aujourd'hui, il y a environ 15 personnes. Et j'ai une amie qui est prof d'équitation, et elle me disait, c'est la même chose. Là où avant on avait 200 élèves, maintenant on en a 15 ou 20 maximum. Parce que l'éducation de société et l'éducation d'ordinateur nous éloignent de plus en plus de l'effort. De plus en plus. Comme je l'expliquais aussi, dans le passé, il y avait des cours de 3 heures dans plein d'écoles, puis ensuite c'est passé à 2 heures, puis ensuite c'est passé à 1 heure et demie, puis ensuite c'est passé à 1 heure, et ensuite on est passé à 45 minutes. Et j'ai entendu dire que maintenant ils commencent à faire des cours de 30 minutes. Alors déjà, il n'y a pratiquement personne qui pratique, et quand ils pratiquent, c'est un désastre. C'est un désastre total. Et en plus, il faut pas forcer, il faut pas se fatiguer. Plus de confrontation physique avec soi-même ou avec autrui, plus de confrontation physique intellectuelle avec quelqu'un qui exprime des idées délirantes, plus de confrontation d'aucune sorte. C'est-à-dire qu'étrangement, tout ce qui stimule le cortex préfrontal est totalement interdit dans notre société. Alors le cortex préfrontal, c'est lui qui va télécharger toutes les informations, par exemple quand vous êtes enfant, quand vous étudiez avec vos parents, quand vous étudiez à l'école. En fait, vous étudiez pas, hein, vous assimilez, on ne vous laisse pas le choix. Hein. Donc ça passe dans le cortex préfrontal, puis ça passe dans les cellules à travers un cortex compliqué, hein, puisqu'il y a certaines cellules cérébrales qui sont autour du cœur, qui envoient des ondes à chaque battement de cœur d'impression sur le système ADN et sur la masse de tout le cerveau qui fonctionne dans l'assimilation de la survie et pas de l'étude. Le cortex préfrontal, c'est l'assimilation de l'étude, de la compréhension, de la perception, tandis que le système de survie, ben, c'est un grand système du cerveau qui est le système inconscient et le système conscient pour survivre, donc appliquer les choses qui me permettent de survivre. Quand vous conduisez, vous étudiez d'abord avec votre système cortex préfrontal absolument, mais très rapidement, ça devient un système de survie. C'est pour ça que vous pouvez écouter la radio, rêver, méditer tout en conduisant, et vous saurez ce qu'il y a à faire, parce que ça finit par être assimilé dans votre programme principal de survie, et cela passe avant même que vous n'ayez le temps de comprendre. Et moi-même, quand je conduisais, eh bien c'est vrai, c'est indiscutable, hein. On freine parfois, et on se demande pourquoi on a freiné, puis on voit un gamin qui sort entre deux voitures, on l'a aperçu d'une façon inconsciente, on a déjà calculé, même quand on n'a pas eu le temps consciemment encore de le calculer. Donc, Cela passe par le téléchargement du cortex préfrontal, qui pourra télécharger à chaque fois qu'il est excité. Or, excité positivement. Or, l'enfant est toujours excité. Il veut savoir, il veut apprendre. Donc, il peut télécharger le système de survie qu'il va appliquer pour survivre. Mais, par la suite, à travers l'éducation, il va apprendre à ne plus être excité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'être humain perd toute capacité d'évoluer par la suite, puisque il a perdu son excitation, donc l'accès au champ d'expansion, l'accès à l'étude véritable. C'est juste une assimilation de survie. Et si vous réfléchissez bien, vous travaillez non pas par plaisir, mais par survie. Votre vie familiale, très souvent, est une survie. Votre conduite avec la voiture est une survie. Votre conduite dans la société est une survie. Et vous faites les choses pour ne pas être arrêté, pour survivre, pour avoir le droit de vivre. Quelles sont les choses que vous faites par passion qui stimulent votre cortex préfrontal? Pour moi, c'est ce que je fais toute la journée. Pour vous, à vous de faire le point et de savoir. Alors un autre exemple qui peut vous aider à comprendre cette chose, c'est le fait d'avoir une nouvelle copine ou un nouveau copain. Parce qu'au début, là, vous êtes en champ d'extension. Parce que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse. Donc vous êtes là et vous écoutez votre copine. Bon, je parlais de copine pour moi parce que je suis un homme. Vous écoutez votre copine, vous appréciez ses paroles, vous êtes en échange, en écoute, en attention et même en évolution. Votre copine va vous parler de ça ou de ça et vous allez être d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin, pas toujours, mais souvent, vous êtes « Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. » Et vous allez changer d'attitude, changer de coupe de cheveux, changer de vêtements, changer de nutrition, changer... Parce que, par la joie que vous avez, vous êtes en champ d'extension, champ neurologique d'extension, et vous avez accès directement à votre cortex préfrontal qui vous donne les bonnes raisons pour agir positivement et d'une façon évolutive. Puis, vous vivez avec votre copine, 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, vous perdez l'excitation. Les choses deviennent habituelles. Et que lorsque les choses deviennent habituelles, eh bien, vous êtes dans un champ de contraction neurologique. Et dans ce champ de contraction, vous n'avez plus accès, viens le chien, vous n'avez plus accès à votre cortex préfrontal. Vous n'avez plus accès qu'à votre système de base de survie. Et vous devenez un vieux con. Et très souvent, d'ailleurs, hein, en psychologie, nous disons que la vie d'un couple, la vie sexuelle d'un couple et le reste de la vie, très souvent, se résume à 3 ans aujourd'hui. Ben, c'est ce qu'il faut à peu près pour éteindre le cortex préfrontal de toute forme d'excitation, parce qu'on n'est plus amoureux, parce qu'on s'est habitué. L'habitude veut dire le stress. Le stress veut dire champ de conscience restreint, j'ai plus accès qu'à mon système de survie et je n'ai pas accès à toutes les nouvelles choses que j'ai apprises avec joie avec ma copine qui sont passées dans mon cortex préfrontal. Et à chaque fois que mon cortex préfrontal contrôle mon existence, petit à petit, cela influence les cellules de mon cœur qui influencent tout dans mon corps, projette le même programme positif dans mon corps qui va finir par programmer les 100% de mon cerveau. Mais la plupart du temps, ce système ne marchera pas assez longtemps pour que mon système de survie soit le nouveau système que j'ai étudié assimilé par mon système préfrontal, mon cortex préfrontal. Donc le système de survie va reprendre le contrôle. En reprenant le contrôle, le cœur va continuer à irradier les mêmes règles de survie et la progression est devenue impossible. Pour devenir, être capable de changer véritablement, il faut garder l'excitation. Il faut garder l'excitation. En gardant l'excitation, je garde un champ de conscience d'expansion et j'ai accès au cortex préfrontal qui me permet de justifier avec enthousiasme tout ce que je fais, tout ce que je transforme. Et ce faisant, j'assimile les choses que je mets en application. Et à force de les appliquer, un jour, ça deviendra même le système basique de mon cerveau, un système de survie qui est un système de survie en expansion avec la lumière, avec l'amour, avec la fraternité. Quand on quitte l'état d'élève, on va vers le niveau de disciple. Et le problème du disciple, c'est que nous avons aussi deux personnalités. Nous avons la personnalité du cortex préfrontal, qui cherchera à envahir le système de base de survie, le programme général du cerveau, grâce à la discipline. On n'est pas un disciple parce qu'on est le disciple de Tartempion. On est un disciple parce qu'on discipline sa vie. Et si l'on discipline sa vie avec enthousiasme, alors on impose le royaume du cortex préfrontal, de tout ce que j'apprends avec cohérence, avec logique, qui s'applique dans ma respiration, dans ma vie, dans mes muscles, dans tout ce que j'accomplis, dans tout ce qui va stimuler mon cortex préfrontal, sport, dynamisme, confrontation, intelligence, vérification. Et tout ceci, petit à petit, va envahir mon programme de base jusqu'à un moment où je n'aurai plus cette double personnalité. Alors le problème du disciple, c'est que c'est très difficile d'être discipliné et très rapidement, vous allez perdre cette discipline et cet enthousiasme, vous allez devenir feignant, vous allez retomber dans la vie de tous les jours, et ce faisant, vous perdez votre stimulation de disciple pour redevenir un élève et même parfois un humain. Vous redescendez. Et à chaque fois que vous faites ça, le programme de base reprend le contrôle et réimprime une nouvelle fois le programme de partout dans toutes les cellules. Heureusement, le cortex préfrontal ne sera pas influencée par ceci, elle continuera à connaître les véritables choses. Mais seul un état de conscience dilaté permettra d'avoir accès à ce cortex préfrontal. Pour ça, il faudra être amoureux. Amoureux d'une fille ou d'un garçon, amoureux de la lumière, amoureux de la vie, amoureux de la vérité et amoureux de l'intensité de votre existence. Mais sans amour, vous allez perdre accès à ce cortex préfrontal, qui est, on va dire, le cerveau libre. Parce que la magie du cortex préfrontal, c'est que, contrairement au cerveau basique, le cortex préfrontal, dès qu'il entend une nouvelle idée qui est cohérente, il la prend. Donc, logiquement, si vous la prenez, ben, par exemple, vous entendez que c'est cool de ne pas manger de viande à cause de la pollution, à cause de votre corps, vous n'en avez pas besoin, etc. Donc, dès que vous avez cette idée, hop, vous décidez de plus manger. Ah ben non. Ah ben non, parce que le programme de base, lui, il va dire il faut manger de la viande pour survivre. Alors, si vous êtes avec une fille qui est végétarienne, par exemple, vous êtes enthousiasmé par l'amour de cette fille, par la beauté de cette fille, par votre sexualité, tout ça stimule le cortex préfrontal. Et vous continuez à être végétarien, et un jour, sans être pessimiste, cette fille vous quitte. Mais le végétarisme est rentré dans votre système de base. Donc même sans elle, sans stimulation, maintenant c'est entré dans votre système et vous restez végétarien. Si le temps n'a pas duré assez longtemps, quand elle part, vous êtes en champ de conscience restreint, vous vous repliez sur votre cerveau de base et vous remangez de la viande. C'est tout le combat du disciple. Avoir la discipline, et non pas une discipline obligée, parce qu'une discipline obligée, c'est aussi un champ de conscience restreint, mais une discipline enthousiaste, parce que vous savez vers quoi vous allez, parce que vous êtes amoureux. Amoureux de votre vie, amoureux de l'humanité, amoureux de votre copain, de votre copine, amoureux de votre évolution, joyeux, enthousiaste. Et par ceci, vous êtes toujours dilaté et vous avez toujours le contrôle, le contact avec votre cortex préfrontal qui vous inspire à mettre en application toutes les nouvelles idées que vous étudiez au fur et à mesure de votre évolution et qui prennent le contrôle de votre existence. Parce que tant que vous êtes en état de champ de conscience d'expansion, vous avez accès à cette connaissance. Et en ayant accès à cette connaissance, eh bien, vos nouvelles idées sont appliquées dans votre vie. En état de conscience restreint, vous n'avez plus accès à votre cortex préfrontal et vous vous repliez sur le programme de base de survie qui, lui, n'a pas eu les informations. D'où ce paradoxe. Vous êtes deux personnalités. Dans le champ d'habitude, dans le champ de travail, dans le champ d'obligation, dans le champ de peur, de stress. C'est pour ça que vous avez des gens, par exemple, qui ont des idées chevaleresques, hein, courage, force, honneur, mais ils ne vont jamais appliquer ces idées-là. C'est juste de belles idées. Ils ne vont jamais les appliquer dans leur vie. Donc ils ne sauront pas que ça reste uniquement des idées de théorie, qu'on n'a jamais rien fait pour imprégner ces vérités dans le système basique. Et dès qu'on est en champ de peur, de terreur, de survie, de stress, on trahit toutes nos belles idées. On balance le copain, on balance les juifs à la police, et ainsi de suite. Pour que votre esprit chevaleresque s'imprègne dans votre système basique, il faut que votre cortex préfrontal agisse profondément et régulièrement de façon à ce que cette façon d'être et de faire s'imprègne dans votre cerveau de base. Si je devenais amnésique à cause d'un accident, si on me donnait de la viande, je détesterais le goût, je refuserais. Parce que j'ai été végétarien depuis si longtemps, je rejette tellement cette chose-là dans l'idée, dans le goût, dans l'odeur, que ce produit resterait dégoûtant. C'est d'ailleurs pour cela que les amnésiques, vous avez beaucoup d'amnésiques par exemple, qui ont oublié certaines choses plus ou moins de base, c'est-à-dire très souvent l'amnésie touche le cortex préfrontal, ce qui arrive souvent d'ailleurs avec un choc frontal, tel que par exemple l'accident classique du chauffeur qui freine et qui se fracasse le front contre le volant. Et ça peut toucher l'attitude de la personne, soit son attitude générale, ou sa mémoire sur tout ce qu'il a pu apprendre depuis un certain temps qui lui permet d'être ce qu'il est, d'agir d'une certaine façon. Par contre, le système de survie va continuer. L'amnésique, il sait toujours aller aux toilettes, hein. Il sait toujours marcher. Il sait toujours boire. Il sait toujours attacher ses chaussures. Il sait toujours parler. Quand vous apprenez un langage nouveau, une langue nouvelle, c'est dans le cortex préfrontal, jusqu'au moment où ça devient une mémoire profonde qui est dans les systèmes profonds du cerveau. Et si vous étiez amnésique, en ayant parlé pendant 20 ans une langue, par exemple, vous n'oublieriez pas non plus cette langue. Par contre, si vous devenez amnésique, alors vous avez pris une langue depuis 3 ans, bah fort probablement, vous aurez totalement oublié cette langue. Évidemment, chaque cas d'amnésie est différente, hein, donc c'est une idée générale que je présente. Et enfin, vous avez l'état de maître. Et quelle est la différence entre le disciple et le maître? Ben, c'est que le maître, il peut être entre guillemets, si je puis dire, feignant. Il peut devenir feignant dans le sens où il n'a plus de double personnalité. Son programme de base est aussi le programme qui fait partie de son cortex préfrontal, à part les nouvelles informations d'amélioration qu'il a pu prendre ces dernières années. Mais pour la plupart des choses, il n'a aucun effort à avoir. Donc pour moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me trouver, qui me disent: Oh là là, Eiji, quelle discipline, tu fumes pas, tu bois pas, tu manges pas de viande, tu t'entraînes, tu pratiques la méditation, tu joues de la musique, t'étudies les langues, t'es sans arrêt en train d'étudier sur les nouvelles recherches, hein, en astrophysique, en neurosciences. Mais en fait, c'est comme vous, par exemple, lorsque vous vous levez le matin et que vous lisez votre journal. Je pourrais venir vous trouver, oh là là, mais quelle discipline, tous les matins tu lis ton journal. Et vous m'en garderiez très surpris en disant, bah, évidemment, je lis mon journal, ça me détend, j'ai besoin de ça le matin avant d'aller travailler. Ah, ben moi aussi. Sauf qu'au lieu d'avoir besoin de lire le journal ou de manger du chocolat, j'ai besoin de choses qui font partie de moi à tous les niveaux et qui me font perpétuellement avancer vers la lumière. Ça, c'est l'état de maître. C'est lorsque vous maîtrisez votre vie, parce que ce contexte de double personnalité s'est effacé. Le cortex préfrontal est passé dans le système de base et vous êtes en unité. C'est pour ça qu'on parle en spiritualité d'être un avec soi-même, d'être en unité. C'est vrai que la méditation aide, si vous vous tournez vers la méditation, dans le sens d'assimiler la joie et le bonheur, parce que vous n'allez pas vous mettre à méditer juste parce que vous n'avez rien à faire. Tiens, j'ai rien à faire, je m'assieds, je médite. Ou je suis pas, j'ai rien à faire, non, je médite. Non, vous faites ça parce que vous avez lu des livres, parce que vous avez envie d'acquérir la paix, la sérénité, l'amour, la lumière, la dilatation. Donc bref, vous mettez dans une position pour appliquer l'assimilation de cet enthousiasme, c'est-à-dire l'assimilation de ce qui réside dans votre cortex préfrontal. C'est mystique, mais c'est aussi tout à fait neurologique. Et les clercs de notre société, la véritable méditation, ainsi que la confrontation intellectuelle ou la confrontation physique, le sport intense, tout cela, ça a disparu. Et dès que vous êtes dans une action-réaction immédiate, vous êtes vraiment dans votre système de base de survie. Or, le portable, l'ordinateur, n'est calculé que sur ça. Vous allez là, paf, vous ouvrez ce truc-là. Et c'est pour ça que, quand ensuite vous ouvrez quelque chose et qu'il y a un texte de 3 pages, vous pouvez lire les 3 premières lignes. Parce que rentrer dans un état de concentration pour aller plus avant, ça, vous ne pouvez pas. C'est trop difficile. Donc, vous restez dans un état d'excitation et de survie, de mémoire immédiate, action-réaction immédiate, qui vous empêche d'aller plus avant et de réfléchir. Voilà. Quand vous avez compris ceci, vous comprenez pourquoi je dis l'état de disciple et le cortex préfrontal. C'est une analyse médicale qui vous permet de comprendre ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous avez des idées spirituelles, en tout cas j'espère, ceux qui m'écoutaient, et puis d'un seul coup, par exemple devant moi, je me souviens de ces gens qui voulaient ouvrir une école de magnétisme pour guérir les cancers, ainsi de suite, et quand je leur dis « fumer, c'est pas bien », ils paniquent totalement, ils inventent des histoires, ils justifient n'importe quoi, parce qu'ils sont repartis, ils se sentent agressés, et ils sont repartis sur leur système de survie, et sont prêts à n'importe quoi, pour justifier leur système qui dit « je veux fumer, je veux fumer, je veux fumer ». Toute drogue stimule intensément le système de base de survie. Même si prendre des drogues, de la nicotine ou du café ne joue pas pour votre survie, mais ça ne fait rien. Ça stimule les renforcements du système basique du cerveau. Et c'est pour ça que tous les gens qui sont addicted, qui sont dépendants, ce sont des gens qui sont très très agressifs. Et une chose qui est très intéressante, c'est de voir que les gens qui sont New Age ont exactement la même réaction du cerveau basique que les drogués. Donc on peut facilement, quand on a une certaine connaissance, reconnaître le New Age comme une véritable drogue dure avec addiction totale. Puisqu'au lieu de rester dans le cortex préfrontal de nouvelles idées, quand on attaque le New Age auprès d'un New Age, il bascule immédiatement dans son système basique de survie. Deux personnalités. Et comme le New Age n'applique absolument rien, il est en dichotomie totale, puisqu'il va lire de nombreux livres qui vont saturer son cortex préfrontal, mais en même temps, il ne va rien appliquer, puisque dans le New Age, on n'applique rien. Donc, il y a une énorme dichotomie avec des idées merveilleuses de New Age et une jalousie totale, un fascisme total, une violence totale, alors qu'on se présente comme absolument New Age, non violent, etc., etc. c'est l'application des choses, donc la discipline des choses, qui va nous permettre de faire passer le cortex, l'information du cortex préfrontal dans le cerveau général basique de survie et de fonctionnement perpétuel. Pour aller vers ce cortex préfrontal, la dilatation, l'enthousiasme, l'amour. Dès qu'on tombe dans l'habitude, dans la peur, dans le stress, on repasse dans le champ neurologique restreint qui nous interdit l'accès au cortex préfrontal pour aller uniquement dans le système de survie. Stress veut dire survie. Survie veut dire utiliser le système de survie. Système de survie, c'est ce que très souvent on a appris à appliquer sans avoir le choix avant. Système de société, système d'école et système que vous avez assimilé avec papa et maman. Donc même si ça ne fonctionne pas, vous retournez vers ça. Donc au début, vous êtes avec une copine, c'est merveilleux, c'est fantastique, vous êtes amoureux. C'est... Et puis au bout de 2 ou 3 ans, vous basculez dans le système de survie, et dans ce système de survie, vous copiez papa et maman qui vous ont la plupart du temps pas vous... ne vous ont pas donné le meilleur exemple d'amour. C'est chiant, c'est emmerdant, il faut payer les taxes, il faut... Hein, et vous devenez un vieux con. Et à chaque fois que vous êtes dans un cadre de système basique, de survie, de stress et de champ de conscience restreint, vous êtes un vieux con. À chaque fois que vous basculez dans le champ de cortex préfrontal, vous êtes un élève enthousiaste qui avance sur le chemin du disciple de la maîtrise. C'est une explication très simple, très basique, mais qui est très importante à comprendre. Comment travailler votre joie ? Ça, c'est bien compliqué. Dans cette société, tout est fait pour vous donner le contraire. Le stress, la limitation, la fainéantise. Et il faut vous forcer, passer par la discipline qui vous permet d'aimer d'une façon illimitée. Aimez votre partenaire, aimez vous-même, aimez vos enfants, aimez vos animaux, aimez l'humanité, aimez vos études, aimez les anges, aimez la lumière, aimez Dieu. Aimez ce que vous faites, aimez votre progression. Et chaque jour où vous appliquez votre vie avec discipline, vous stimulez cet amour. La discipline n'est pas une obligation. La discipline, c'est comme faire l'amour avec la lumière. Et à chaque fois que vous faites l'amour avec la lumière, en vous levant tôt, en allant faire un lever de soleil, en mangeant correctement, en étant en paix, en sérénité, vous stimulez votre cortex préfrontal. Et par ceci, vous avancez sur un chemin de transformation radicale qui vous laisse accès à toute chose. Pour la merveille des merveilles, pour l'accomplissement de l'accomplissement. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous rencontreront après, comme les babouins, les disciples de Google et ainsi de suite, ils ne comprendront pas. Ils vous haïront même. Ils chercheront à vous décapiter parce que vous êtes trop haut pour eux. C'est un prix à payer. Dans notre société décadente d'aujourd'hui, l'élévation est un chemin de relative solitude. À vous de vous entourer d'une fraternité, de gens qui avancent comme vous, qui comprennent votre évolution et qui sont enthousiastes devant votre évolution. Et vous, vous êtes enthousiastes devant leur évolution. Et ce faisant, tous ensemble, vous développez votre amour, donc votre champ de conscience dilaté. Voilà. C'est une explication très simple, il n'y a plus qu'à. Mais elle vous donne des clés énormes, énormes, quant à vos capacités de libération. Et elle vous donne des clés énormes pour comprendre les pièges de la société qui sont faits entièrement pour vous amener à être totalement limité et incapable d'avoir accès à votre cortex néofrontal, préfrontal, qui vous donne tout ce pouvoir d'avancement. Là se trouve l'évolution. Nulle part ailleurs. C'est la clé d'évolution. C'est comme si je vous disais que pour être un ange, il faut avoir des gros biceps. C'est pas ce que je vous dis, mais c'est une image. Donc, vous savez que pour être un ange, il faut travailler sur des machines de façon à développer vos biceps. Avoir des gros biceps. Sauf que les biceps n'ont rien à voir avec l'évolution spirituelle. Par contre, le cortex préfrontal, néofrontal, ça a énormément à voir avec votre évolution. Et si vous ne musclez pas cette partie-là, si vous ne stimulez pas cette partie-là avec un champ de conscience dilaté, vous survivez dans votre vie. Le système cérébral général est un système de survie. Le système préfrontal est un système d'évolution. Le champ, l'état de conscience contracté, restreint, est un système qui permet d'avoir accès aux anciens systèmes. Le champ de conscience dilaté est un système qui permet d'avoir accès, de stimuler et d'appliquer les nouveaux systèmes que vous venez de lire dans les livres, en m'entendant parler partout. Ce sont les clés essentielles pour appliquer et pour être capable de faire. Et ce faisant, vous devenez ce que vous êtes réellement. Un être de lumière. Vous n'avez jamais été ce petit être minable et lamentable qui travaille et qui tremble de terreur devant la police, devant le patron et devant la société, qui est écrasé par les stress et la restriction sous toutes ses formes cérébrales, mais aussi civiques et amoureuses. Vous devenez un être de lumière qui brille, qui irradie, qui grandit, qui évolue. Et qui s'unit à Dieu. L'esprit large et transparent, comme le cristal, est uni à Dieu. Seule la plénitude de la vie apporte l'amour divin. Seule la plénitude de la vie apporte l'amour divin. Bojata Lubov Nosiponia Jivot. C'est la chose primordiale à comprendre. On n'avance pas vers le champ de conscience en expansion et dans l'utilisation du cortex pré-néofrontal sans une expansion, sans une intensité de vie, sans une joie de vie. La petitesse mène à la petitesse. La grandeur mène à la grandeur. Et la grandeur, tout en haut de cette grandeur, sur la pyramide de Maslow, si vous suivez, vous renseignez sur l'évolution de la véritable pyramide de Maslow, je l'ai présentée sur mon canal quelque part, alors là, vous rencontrez Dieu, vous rencontrez l'état christique. Cette dilatation du cerveau qui va libérer certaines hormones et qui va envahir tout votre corps, dans une paix, une sérénité et une unité totale. Votre corps est oint par une huile magique produite par vous-même en passant par le cortex néo-préfrontal qui irradie, qui envahit tout. Et par cette forme de véritable baptême total et véritable qui n'est pas un baptême extérieur mais un baptême interne, vous devenez Christos, qui veut dire celui qui est oint. Le mystique et la neuroscience se rejoignent totalement si on ouvre sa conscience à une compréhension complète qui permet l'application complète des choses pour une transformation complète. Alors, les amis, on se retrouve tous en haut de la pyramide de Maslow. Allez, je vous attends. À très bientôt.